Alors, je ne sais pas si parmi vous, certains ont déménagé avant-hier. Il y en a qui ont déménagé, oui, j'en vois quelques-uns là. Il y en a sûrement un peu plus que ça, hein, parce que vu le nombre de camions, de trucks, de remorques, de trailers qui traînaient dans les rues, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en mouvement avant-hier. Parce qu'en fait, c'est vrai que l'été, c'est souvent une occasion assez favorable pour vivre des mouvements, pour déménager. C'est aussi l'occasion des grands travaux. Si certains ont rendu leur appartement, ils ont peut-être dû refaire des petits coups de peinture, remettre en état des trous, réparer des petites choses. C'est le moment des rafraîchissements, c'est le moment des nettoyages, c'est le moment des rénovations de cuisine. Des fois, même si on n'a pas eu l'idée de le faire, le fait de voir les voisins faire des travaux, ça donne des idées aussi, hein. On se dit, tiens, chérie, il faudrait peut-être qu'on refasse chez nous la terrasse, que t'as jamais faite. Alors autant d'occasions qui nous sont données, parce que l'été, c'est un moment privilégié. On a un peu plus de temps, on a moins d'engagement, les jours sont plus longs, les fenêtres et les portes sont grandes ouvertes parce qu'il fait beau et chaud. Bref, c'est le temps des rénovations. Il paraît même qu'au Québec, cette année, on va dépenser 12 milliards de dollars en rénovation, juste au Québec. Ça fait une belle somme. La question qui se pose à nous, c'est combien allons-nous investir cette année pour notre rénovation intérieure? Et c'est à cette question qu'on va essayer de travailler dans cette série de prédications de l'été. Rénovation, un été pour se laisser restaurer. Vous voyez, il y a des travaux à faire, hein. Il y a des fuites dans le plafond, le sol est complètement défoncé. Il va falloir laisser le Seigneur agir ou peut-être nous-mêmes décider de nous laisser restaurer et de prendre les moyens. Quand on dit rénovation, on dit laisser du vieux de côté et mettre du neuf. Saint Paul, il a une manière de le dire dans la lettre aux Galates qu'on vient de lire. Ce qui compte, ce n'est pas la circoncision, ça c'est le vieux, c'est la création nouvelle. C'est la création nouvelle. Il s'agit de vivre non pas selon un ancien mode de vie, mais selon une nouvelle règle de vie. Laisser du vieux pour vivre selon du neuf. Rénovare en latin, ça veut dire renouveler, reprendre, répéter. C'est intéressant de voir que c'est répété. Chaque année, il y a un été. Et puis, on se repose régulièrement. Et chaque année, et plusieurs fois par an, on a besoin de se laisser restaurer, de se reposer. Il y a un temps de vacances qui revient. Dieu soit loué, ce n'est pas seulement une fois dans sa vie. Mais oui, il faut répéter chaque année ce chemin de rénovation et de restauration intérieure. C'est un mot qui est utilisé dans la tradition latine pour parler de la rénovation du temple ou aussi pour la répétition de la guerre. Rénovare, on renouvelait la guerre, comme on dit dans l'ancien temps, il y avait une saison pour faire la guerre. C'était généralement la belle saison qu'on y allait d'ailleurs. Alors nous, ce n'est pas pour faire cette guerre-là qu'on veut se restaurer, mais c'est pour un autre combat. Oui, il y a un temple à restaurer en nous. Oui, il y a un combat à mener aussi. Ça ne se fait pas de manière passive. La question qui se pose à nous, c'est mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir restaurer? Qu'est-ce qui est à restaurer? On ne le voit pas toujours immédiatement. Qu'est-ce que cette année, je vais laisser de côté comme du vieux? Et qu'est-ce que je vais choisir comme nouvelle règle de vie? Car une rénovation, ça s'entreprend. On fait des devis, on fait des travaux, on investit de l'argent, on s'investit dedans. De même que notre rénovation intérieure, elle demande du temps, de la volonté, de l'argent aussi peut-être. En tout cas, les deux excès dans lesquels il ne faut pas tomber pour les vacances, c'est celui qui se dit, moi, pendant les vacances, je ne fais rien. Puis il y a l'autre qui dit, moi, je fais comme tout le reste de l'année, je ne prends pas de vacances. En fait, ni l'un ni l'autre n'ont une attitude qui va les aider à se restaurer réellement. Il ne s'agit pas de rien faire, de rien entreprendre. Il ne s'agit pas non plus de ne rien changer. Alors nous allons essayer de travailler cet été le juste milieu, la juste attitude. Et aujourd'hui, je voudrais nous arrêter sur un aspect de cette restauration intérieure. Quand on commence, on ne commence pas par les détails. Quand on voit l'état de cette salle, d'ailleurs, on se dit qu'il va peut-être falloir d'abord refaire la toiture. Il y a des infiltrations dans le plafond, là. Il va falloir faire quelque chose. On commence donc par s'occuper du matériel. Bien, frères et sœurs, si on veut être bien restauré intérieurement, il va falloir nous aussi qu'on s'occupe de notre matériel à nous, qui s'appelle le corps. Nous avons un corps dont il est bon de prendre soin, mais prendre soin de manière juste. Isaïe, l'image, qui est certainement plus qu'une image dans la première lecture que nous avons entendue. Il invite le peuple à se laisser prendre sur les genoux de Dieu, comme un nourrisson. Vous serez comme des nourrissons que l'on porte sur son bras, que l'on caresse sur ses genoux. De même qu'une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai. Vous serez nourris et rassasiés du lait de mes consolations. C'est plus qu'une image. Dieu veut réellement nourrir et rassasier et satisfaire la faim de son peuple. Il veut aussi consoler son peuple. Et un nourrisson, ce n'est pas en lui faisant des beaux raisonnements intelligents qu'on va le consoler. Mais ne pleure pas, c'est pas grave ce qui t'arrive. C'est généralement pas comme ça que vous faites avec votre nourrisson de moins d'un an. On le prend sur ses genoux, on le berce, on le console, on le caresse. Des fois même on chantonne quelque chose de doux. Mais oui, on prend soin du corps. On commence par prendre soin du corps. C'est par là que l'enfant va se sentir en confiance, consolé, rassasié, en paix. Parce que ça le touche directement dans son être de chair. Et il est bon que nous-mêmes, nous décidions de prendre soin de notre corps de manière ajustée. Parce que généralement, nous n'avons plus notre maman pour nous prendre sur ses genoux et nous donner du lait comme les nourrissons. Donc, quoique peut-être encore certaines fois, elle nous téléphone pour nous demander si nous mangeons assez et assez bien. Mais ça, c'est son affaire à elle. Nous voulons, nous, choisir de prendre soin de notre corps. Et de manière ajustée, il y a là encore deux tendances quand on prend soin du corps ou qu'on n'en prend pas soin. Et il y a la tendance du culte du corps. Je pense qu'on est pas mal menacé par celle-là. On veut bronzer, on veut être musclé, on veut être tout comme il faut dans les standards du modèle corporel de ce qu'est la beauté physique. Là, c'est quand on tombe dans effectivement le culte. On le fait pas pour soi. On le fait pour les autres, figurez-vous, pour leur plaire, sans même se demander si c'est bon pour nous d'attraper un cancer à 60 ans parce qu'on a trop bronzé ou de faire trop de bodybuilding et d'avoir des gros problèmes aussi d'arthrite plus tard. En fait, on ne se regarde pas soi. L'autre tendance, c'est justement le contraire, c'est l'intellectualisme, on nie le corps. Des fois, les catholiques, on est pas mal pris par ça. On spiritualise tout, on intellectualise tout, au point qu'on oublie le corps, qui devient une sorte de marmite qui est en train de bouillonner, puis qui un jour explose, parce que le corps, il est là. Qu'on le veuille ou non, il est toujours là. Alors, c'est le travail, c'est les résultats, c'est les chiffres, et on ne s'écoute pas. Alors, Isaïe donc nous donne d'apprendre à prendre soin de nous-mêmes, selon ce que nous avons besoin et selon ce que nous avons nous-mêmes besoin. Et il y a trois pistes pour prendre soin de son corps. Je vais vous donner trois petits éléments. D'abord, c'est prendre soin de son sommeil, de dormir assez, mais pas trop non plus. Tout est une question d'équilibre. Bien dormir, ça ne veut pas dire faire la grasse matinée jusqu'à midi tous les matins quand on est en vacances. Peut-être c'est se coucher un petit peu plus tôt. Et décider de dormir une heure de plus pendant le temps des vacances pour se refaire physiquement. C'est aussi une bonne alimentation. L'été, c'est souvent le temps des barbecues. Bon, ça, vous voyez où je veux en venir, les barbecues, c'est bien. Une fois par semaine, quoi. Plus, Il y a un peu trop de sauce, il y a un peu trop de hot dog. Ce qui est bon, c'est de manger des produits d'été, des produits de saison, des bonnes fraises qui sont en train de pousser en ce moment-là, des produits de saison pleins de vitamines. C'est tout bête, hein. Mais prendre soin de son corps, ça passe aussi par l'alimentation. Si je me nourris mal, faut pas s'étonner que je sois un peu anémié à certains moments parce que je prends pas soin de moi. Et personne ne le fera à ma place. Personne n'ira mettre un dollar de plus dans un bon produit, sinon moi, parce que ça sort de mon portefeuille. Et c'est un choix que je fais. Il y a aussi enfin le sport. Important le sport. Il fait beau, il fait chaud, on peut sortir dehors, on peut courir, on peut marcher, on peut aller à la pêche, on peut faire du volleyball dans le presbytère, dans le jardin du presbytère, on peut aller au rameur, on peut faire du bicycle. Bref, on a besoin de bouger, mais de bouger de manière ajustée. Il ne s'agit pas de faire de la compétition. Il s'agit de bouger selon ce que j'ai besoin, selon ce que mon corps me demande pour me détendre et en même temps pour pour bouger, pour me permettre de refaire mes forces, car en faisant du sport, je refais mes forces. Voilà des petites clés que je voudrais simplement résumer en reprenant l'évangile. Jésus, dans l'évangile, vous vous souvenez, il envoie ses disciples en vacances. En fait, mais il les envoie en vacances aussi. En tout cas, ça me plaît d'imaginer que Jésus envoie ses disciples en vacances. Il les envoie abandonnés à la providence. Ça veut dire sans trop de confort. C'est un peu comme le camping, ça. Je pars, je laisse derrière moi tous les conforts de la maison, le bon fauteuil de la salle à manger. Je choisis d'être attaqué par les petits moustiques qui vont se réveiller, les maringouins qui seront là, les autres mouches qui vont me dévorer. Je choisis de quitter quelque chose. Et il les envoie de maison en maison, mais pas partout. Il les envoie là où ils vont être accueillis. Et qu'est-ce qu'il leur dit de faire? De manger et de boire. Il leur dit: restez dans cette maison, mangeant et buvant selon ce qu'on vous servira. Ne passez pas de maison en maison. Mangez ce qu'on vous offrira. Il le dit deux fois. C'est important de manger. Vous voyez, Jésus le dit. Et il nous invite à le faire pourquoi? Ça, c'est ça qui est étonnant. C'est un signe du règne de Dieu qui est tout proche. Nous, on s'imagine souvent la mission comme un travail, un devoir. Il faut en plus qu'on parle de Jésus. Oh là là, c'est pas des vacances. En fait, Jésus invite ses disciples à être avec les gens, à aller chez eux, à se laisser accueillir. Et souvent, l'été, c'est ce qu'on fait. On va visiter de la famille, ou bien on accueille de la famille chez soi. Ben, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Généralement, on ne les laisse pas mourir de faim chez nous. On mange, on partage un dîner, on prend un verre, on discute. Et ça, c'est un signe du règne de Dieu qui est tout proche. Effectivement, quand on parle du règne de Dieu, comment Jésus le décrit autrement? C'est un banquet. Le banquet des noces. Il y a à manger au banquet des noces, il y a à boire aussi. Évidemment, ça rappelle cette communion que l'on vit très concrètement, matériellement, évoque déjà quelque chose du ciel, cette communion que nous vivrons avec Dieu. Mais nous y goûtons déjà ici matériellement. On a la chance, on a un corps. Il faut qu'on en profite ici, parce qu'après, on retrouvera notre corps. Mais pas dit que les nourritures seront aussi matérielles qu'elles le sont aujourd'hui. Mais c'est un signe. Donc, acceptons ce temps de vacances comme un temps de mission. De même que nous avons un corps et un esprit, je pense qu'on pourrait allier vacances avec témoignage. C'est l'équilibre chrétien. Et Jésus invite, quand on est avec des gens et qu'on parle avec eux, il nous parle aussi de leur souffrance. Il parle la grand-mère qui est malade, ou un tel qui a un cancer. Et on parle aussi de ses malheurs quand on est bien avec les gens. Mais qu'est-ce que dit Jésus de faire? Priez pour eux. Guérissez les malades. Nous, on va le faire en priant. On va prier pour les malades. Ça, c'est une porte ouverte. Quand quelqu'un vous parle d'une souffrance parce qu'il est bien avec vous, vous avez une porte ouverte pour annoncer le nom de Dieu. Donc, frères et sœurs, ne négligeons pas notre corps, prenons-en soin de manière ajustée, toujours avec ce qui nous habite. Ce qui nous habite, c'est de témoigner de la présence de Dieu dans notre vie, mais ça passe par le corps. Ça passe par manger, boire, se reposer, passer du bon temps, faire du sport. Alors prenons soin de nous-mêmes pour que Dieu prenne soin de nous-mêmes. Si nous nous occupons de nous, Dieu s'occupera de nous au centuple.